Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 66. Bienvenue à toi dans ce monde archiloufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 18 février 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es zodiacal, tu es Nostradamus, tu es troisième des camps, tu es Madame Soleil, tu es dans la maison du Sagittaire et tu es aussi... Tiens, 18 mai 60, vous êtes taureau ascendant cancer ? C'est marrant. Personnellement, je connais un matador ascendant taureau. Il a un cancer ! Ça fait marrer les vaches ! Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es astrologie et tu ne vis plus sans l'horoscope. Alors, selon le calendrier chinois, hier soir à minuit, nous avons quitté l'année du chien pour entrer dans celle du cochon. Dans l'astrologie chinoise, sache que le cochon est reconnu pour sa diplomatie et sa nature délicate. Et en pleine campagne présidentielle, voilà qui tombe bien. Ainsi, à l'heure où les sondages, justement, tentent de prédire l'avenir, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, d'explorer cet univers étrange des signes du zodiaque. Ainsi, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de l'astrologie. Et pour commencer, des rois mages à Élisabeth Tessier, il faut retracer l'histoire de l'art divinatoire. Ensuite, nous nous intéresserons quelques minutes aux différents types d'astrologues que tu peux consulter. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise du facétieux Jean-Yves Lafesse qui viendra t'offrir un horoscope un peu spécial par téléphone. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons pourquoi Bernadette Chirac, après son passage chez Michel Drucker dimanche dernier, a ressenti le besoin farouche cette semaine de consulter les astres. Et enfin, te raconter comment Jean-Claude s'est pris d'une soudaine passion pour l'astrologie le week-end dernier, au grand désespoir de Monique, bien sûr. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et rase Poutine. There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Enemies. But the ladies beg, don't you try to do it, please. No, Rasputin, c'est cet étrange personnage à la fois guérisseur et mystique, intime du tsar Nicolas II et de la tsarine Alexandra, farfelu célébré en 78 par le groupe Bonnet M. Les mages, familiers des puissants, c'est un classique. Nous, on a Elisabeth Tessier, proche en son temps de François Mitterrand. Mais bon, là, attention, c'était Bonnet D. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser à un sujet éminemment controversé, à savoir l'astrologie et les horoscopes. Avant tout, pour commencer notre étude, il faut se demander d'où peut donc bien venir l'astrologie. Eh bien, les origines de l'astrologie sont mésopotamiennes et datent d'à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est là, dans le berceau de la civilisation, qu'une bande de prêtres à la coule cherchait désespérément à comprendre les phénomènes terrestres. Et ils étaient épuisés, les prêtres mésopotamiens, devant ce Capharnaüm. Leur journée était harassante. Alors le soir, sur la terrasse d'une ziggourate babylonienne, pour se détendre, les prêtres se couchaient sur le dos pour observer les étoiles. Et c'est là, entre deux tafs, que le plus malin d'entre eux s'aperçut que les étoiles n'étaient pas toujours à la même place. Ça remue donc sévère là-haut. Et comme sur la Terre, rien n'est stable, de la météo à l'humeur des hommes, il doit y avoir un rapport. CQFD, l'astrologie était née. C'est un gros succès dans l'ensemble du monde antique. Désormais, chez les Égyptiens, chez les Grecs et chez les Romains, on prête attention aux étoiles parce que... Durant toute l'Antiquité, l'astrologie et les arts divinatoires se confondent avec la science et la religion. D'ailleurs, c'est bien en suivant une étoile que les rois mages, un peu astrologues sur les bords, ont fini par trouver l'enfant Jésus. Que je dois te rencontrer, c'est écrit dans le ciel. Et que je dois t'adorer, c'est écrit dans le ciel. Que je vivrai que pour toi, c'est écrit dans le ciel. Et que tu peux croire en moi, c'est écrit dans le ciel. C'est écrit dans le ciel, soit, mais quid de l'astrologie quand triomphe le christianisme? Eh bien, la situation est alors paradoxale, car d'un côté, l'astrologie est condamnée, puisque contraire à la religion, mais d'un autre côté, elle continue d'être très pratiquée, comme les autres arts divinatoires au Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est? C'est un corbeau décédé. Oh non, mais ça, merci, je suis pas encore complètement débile. Mais qu'est-ce que ça fout devant la porte de ma chambre? Ouais, c'est peut-être un présage. Pff. C'est chiant, les présages. En l'occurrence, surtout pour moi. Alors? Oui, bah une seconde, je connais pas tous les bouquins par cœur. Enfin, vous avez bien une petite idée? À la limite, il y a ça, mais ça colle pas tout à fait. Et qu'est-ce que ça dit? C'est mauvais? Les poissons mourront de chaleur et donneront naissance à des serpents qui saillieront les femmes qui donneront naissance à des cochons. C'est plutôt mauvais, quand même. Ah oui, mais ça, c'est au cas où on tombe sur un bouc boiteux devant une chapelle. Il boitait votre corbeau? Eh oui. Pendant tout le Moyen-Âge, l'astrologie est perçue comme une science. Les rois s'entourent d'astrologues qui sont de véritables conseillers, souvent consultés comme Nostradamus, par exemple, auprès de Catherine de Médicis. Pourtant, au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières mène une attaque en règle contre l'astrologie qui se distingue dès lors de l'astronomie. Cette philosophie des Lumières imprègne d'ailleurs les acteurs de la Révolution française comme Robespierre, par exemple. Robespierre, par exemple, était-il né révolutionnaire? Était-ce inscrit dans son ciel? Oui, parce que justement, cette conjonction Mars-Neptune est bien celle des révolutionnaires. Mars est une planète qui symbolise le combat, c'est le guerrier. Neptune est la planète des poissons, elle symbolise la masse, la collectivité, le peuple. Alors là, il y a déjà un problème avec l'autorité, un problème avec le père. Ah ben oui, c'est merveilleux ça. On peut donc connaître le passé en regardant les étoiles. Allez, brûlez-moi toutes les archives, les historiens, là, et rentrez vous coucher. Mais connaître le passé grâce à l'astrologie, à vous, ça ne fait pas trop rêver quand même. Le top avec les astrologues, c'est qu'ils peuvent prédire l'avenir. Si, si, écoute bien ces prévisions faites en 69 par les formidables Joël de Gravelaine et Jacqueline Aimée, voyantes professionnelles et chevronnées. Il y a un autre personnage qui nous intéresse plus particulièrement, car il est le gardien de nos deniers, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors, vous le situez de quelle manière, lui? Valéry Giscard d'Estaing, nous avons prévu pour lui la fin de sa carrière et d'une façon vraisemblablement assez brutale. Une véritable chute. Vers 74-75, oui. Mais comment vous pouvez dire des choses aussi brutales et aussi exactes? Bon, nous pouvons le traduire, si vous voulez, en termes astrologiques, parce qu'il a Pluton au milieu du ciel, carré à la Lune, c'est-à-dire que c'est un homme qui ne peut pas être populaire. Il ne sera jamais aimé du bon peuple français et à force d'être impopulaire, il peut lui arriver des ennuis. Ainsi, ces voyantes nous prédisaient en 1969 que, selon l'étude des astres, Giscard ne sera jamais populaire et surtout pas en 1974, c'est-à-dire l'année même où VGE fut élu président de la République. Il n'y a pas à dire, l'astrologie, c'est magique. Mais entends-moi bien, chez les astrologues, il y a des charlatans, certes, mais également de véritables spécialistes parfaitement honnêtes. On ne sait pas si Jacques Chirac est un adepte de la voyance, mais ce qui est sûr, c'est que Mitterrand, son prédécesseur à l'Élysée, était lui un adepte de la boule de cristal. Elisabeth Tessier était son astrologue. La célèbre voyante avait même enregistré certaines conversations entre elle et son illustre client à l'Élysée. Elisabeth Tessier parle à François Mitterrand de sa popularité après la guerre du Golfe. Simplement, pour vous, ça a été superbe, et pour Bush aussi. Ça a été superbe, vous êtes dans une popularité extraordinairement ascendante. Oui, c'est un peu étonnant pour l'instant. Non, c'est bien, c'est extra, j'ai entendu ça avec grand plaisir l'autre jour. Vous m'aviez d'ailleurs dit, à cette occasion, qu'il y avait des jours où il valait mieux parler, d'autres jours où il valait mieux pas parler. Mm-hmm. Bon, il va falloir que j'intervienne. Quel est, selon vous, le meilleur jour là, prochain? Dans les jours qui viennent, là. Le dimanche, lundi, mardi. Eh bien, il faudrait que je regarde cela, parce que je ne peux pas vous le dire à brûle pour point comme oui, ça. Vous voulez voir? Oui, bien sûr, dimanche, lundi, mardi, dans ces 3-4 jours qui viennent. C'est ça. J'ai fait l'horoscope de toute l'Europe. Je suis la princesse du show business. Merci, Madame Irma. J'ai mes entrées à l'Élysée, je tutoie le grand triomphé. Merci, Madame Irma. Cher président, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, car président Mitterrand aimait de temps en temps qu'Elisabeth Tessier vienne lui flatter les boules de cristal et le succès aussi. Alors, l'histoire ne nous dit pas quel jour fut finalement conseillé par Elisabeth Tessier. Le dimanche ou bien le mardi, mais plus certainement le lundi, c'est écrit dans le ciel de son journal intime qui le lui a prédit. Strictement personnel, ma vie doit changer à partir de lundi. C'est écrit dans le ciel, mais c'est mon journal qui me l'a prédit. Et grâce à Jupiter, je vais rencontrer enfin le grand amour. Mais depuis avant-hier, la date est passée et j'attends toujours. Tout est faux, archi-faux, dans l'horoscope. Socialement parlant, je dois hériter d'un cousin milliardaire. Mais ce proche baron semble décidé à rester sur terre. Il aime pour ma santé, je dois me méfier, disent les oracles. J'ai beau me surveiller, mais je me porte bien, ce doit être un miracle. Tout est faux, archi-faux, dans l'horoscope. Que l'on soit du taureau, du lion, du bélier ou bien du sagittaire. Que l'on soit né gémeaux, balance ou verso, poisson ou cancer. À quoi bon le cacher? Personne n'y croit, pourtant chacun le lit. Il suffit d'en parler pour s'apercevoir où mène la folie. Tout est faux, archi-faux, dans l'euro. Strictement personnel, ma vie doit changer à partir de lundi. C'est écrit dans le ciel, mais c'est mon journal qui me l'a prédit. Strictement personnel, ma vie doit changer à partir de lundi. L'horoscope où tout est faux, c'est celui chanté par Juliette Gréco en 1967. Vous êtes Verseau, Juliette, et en 2007, l'horoscope vous prédit des contrariétés qui pourraient soi-disant venir vous perturber. Mais bon, comme tout est faux, On s'en fout, bien sûr. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire de l'art divinatoire, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes aux différents types d'astrologues que tu pourrais consulter. Oui, mon ami, qui choisir pour prédire ton avenir ? Avant tout, mon ami, connais-tu ce qu'on appelle l'effet Barnum ? Non ? Eh bien, c'est une drôle d'expérience qui vient ruiner la réputation de toutes les théories du zodiaque. En 1948, un psychologue américain proposa à ses étudiants de se plier à un test de personnalité. Après les entretiens individuels, l'éminent professeur Gros Malin, celui-là, remit à chacun d'entre eux, non pas un portrait soi-disant personnalisé, mais une analyse identique pour tous, construite à partir, tiens-toi bien, d'un recueil d'horoscopes. Ensuite, le psychologue en question demanda à chacun de ses élèves d'évaluer la pertinence de son travail d'analyse sur une échelle de 0 à 5. Résultat, la moyenne fut de 4,26, c'est énorme. Conclusion, quand nous sommes persuadés qu'une analyse zodiacale, par exemple, nous concerne de manière spécifique, eh bien, nous sommes totalement disposés à gober n'importe quoi, c'est hallucinant. Si bien qu'il faut également se méfier, bien sûr, des prévisions astrologiques. Que dire, par exemple, pour cette jeune femme qui décida de consulter un astrologue avant d'entrer à la Star Academy ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Si vous allez réussir dans la chanson ? Ouais ! Faut voir avec les cartes. Il va falloir coucher. Ouh, il va falloir beaucoup coucher. Mais ça n'a pas l'air de vous déranger en plus, hein? Non, mais ça va marcher. Bah oui, forcément, ça va marcher. Je vous vois d'être là, en train de chanter avec le micro, ça va très bien se passer. Ah non, c'est pas un micro que vous avez à la main. Vous êtes sûr que c'est dans la chanson que vous voulez réussir, vous ? Alors bien sûr, avec de telles révélations, il faut faire attention de bien choisir son astrologue. D'ailleurs, quand l'enjeu est essentiel, comme celui de savoir par exemple si les astres sont donc disposés à ce que tu réussisses dans la chanson, il faut en consulter plusieurs pour comparer, bien sûr, et parfois même, il ne faut pas hésiter à traverser l'Atlantique pour rencontrer d'authentiques spécialistes de l'astrologie. Et le Verseau en 2007. Saturne opposé son soleil jusqu'en septembre. Tout à fait, tout à fait. Il y a des histoires de couple qui peuvent être compliquées, mais sauf que sa vie sociale reprend le dessus. Absolument, avec Jupiter en Sagittaire, c'est le, des développements sur le plan social et le plan des affaires aussi. Il fait des bonnes affaires, mais il peut y avoir des trucs familiaux à régler. Ah oui, mais c'est ça. Mais c'est la vie, hein. C'est la vie, hein. Ça, c'est de la prévision, mon ami. Tout fout le camp aujourd'hui. Cela dit, attention. Dans les années 60, les astrologues, madame, n'étaient pas aussi fatalistes. Certains d'entre eux, d'ailleurs, se sentaient investis d'une mission sacerdotale, à savoir maintenir l'ordre moral. Lusvi dit, que réservera l'année 1966 aux femmes nées dans le signe du Sagittaire, du 22 novembre au 20 décembre ? Les femmes nées dans le signe du Sagittaire auront une année excellente en 66. 66 leur sera très favorable, à condition de préférer la vie conjugale à toutes les aventures qui s'offriront à elles. Une année sérieuse. Une année excellente. L'union, mesdames, vous apportera une situation flatteuse, très en vue, des relations avec des personnages puissants, même touchant la politique et l'administration. Et voilà. C'est toujours pareil, même les astrologues ont très bien compris qu'en sachant manier la peur et le chantage, on finit par contrôler les esprits. En gros, si tu ne suis pas les astres, c'est le désastre. Mais il y a pire encore que les cerbères du Capricorne là. Car que dire alors quand tu rencontres un authentique guignol ? Je m'intéresse depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, aux prophéties, je les ai toutes lues et toutes disent la même chose. Elles disent que Paris disparaîtra dans un océan de flammes avant la fin du siècle à cause d'un objet en feu qui tombe du ciel. C'est tout. Moi, je ne suis pas un prophète, je suis qu'un homme simple qui aime les prophéties, qui les connaît et qui souhaite que cela ne se réalise pas. C'est fou ce qu'on apprend chez Irma. Ah là là, sacré Paco Rabanne, toujours prêt pour l'apocalypse celui-là. Mais bon, on attend toujours, hein Paco, on ne sait jamais. D'ici que Jupiter entre dans Saturne, va savoir. Et puis, toujours dans la catégorie des grands mages solaires, il y en a d'autres qui tentent eux aussi de prévoir l'avenir, mais qui cherchent plutôt à nous rassurer. Enfin, on va dire ça comme ça. Est-ce que oui ou non, selon vous, d'ici à la fin de l'année, la France réussira à passer en dessous des 10% de chômeurs? Non, bien sûr que non. Et je dirais oui, oui, oui. Mais depuis, c'est passé quelque chose. J'ai changé parce que cette vérité, je vous la dois. J'ai changé parce que cette vérité, je la dois aux Français. J'ai changé parce que les épreuves de la vie m'ont changé. J'ai changé. Je veux le dire avec pudeur, mais je veux le dire parce que c'est la vérité. J'ai changé. Et je vous avertis. Je vous avertis tous. Que moi, Grigori Efimovitch Rasputin, j'entends m'en servir. Ce pouvoir est à moi et j'en userai autant qu'il me plaira. Oh là, visiblement, il y a plusieurs niveaux de lecture avec certains astrologues. Faut faire attention, hein. Au final, le mieux, je crois, pour clôturer notre série des astrologues loufoques, c'est de découvrir sans aucun doute le meilleur d'entre eux, à savoir le facétieux Jean-Yves Lafesse qui nous propose, comment dire, un horoscope très particulier. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Allô. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens pardon, par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Alors, je vous lis, donc, j'introduis les données dans l'ordinateur Gémeaux ascendant Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position d'Urne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. D'accord. Le zéro. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant, tout ça. in no danger. Metal buzz fly from highs, disguises lines. Till bees bumble, then the bees split your wig and leave the weave tumble. The kids Billy, blocks Philly, Illy, the box Diddy, the hops hit bees. Shot from the side with something great. Ever clear, we walk crooked in a straight line. Circle in the square, point is you're stuck right there. You Are Never Alone, c'est ce que prédit le groupe canadien So Cold sur leur album intitulé Ghetto Blaster. So Cold qui signifie en français « prétendu » ou « soi-disant », maître mot bien sûr quand il s'agit de lire ton horoscope. Alors maintenant, pour prolonger nos péripéties dominicales dans l'univers zodiacal, il est temps désormais à 11h32 de te dévoiler pourquoi Bernadette Chirac, après son passage chez Michel Drucker, a-t-il ressenti le besoin farouche cette semaine de consulter les astres ? Il faut savoir que lundi dernier, en fin de matinée, Bernadette Chirac n'avait qu'une seule obsession, récupérer un enregistrement de l'émission Vivement Dimanche, émission merveilleuse durant laquelle président Chirac a tenu des propos quasi amoureux à l'égard de son épouse. C'est ainsi que Patrick de Carolis, PDG de France Télévisions et ami intime de la première dame de France, lui a fait livrer un DVD en fin d'après-midi sur lequel on peut visionner, bien sûr, l'interview de président Chirac par le Réador Michel Drucker. À 22h donc, après avoir enroulé ses bigoudis et ouvert un gros paquet de pistaches, Bernadette s'est affalée confortablement dans un sofa pour réécouter président Chirac parler d'elle à la nation tout entière. Son signe, c'est le taureau qui fonce. Et d'une certaine façon, elle fonce. Et notamment au service de beaucoup de gens, spontanément, sans ostentation, par le cœur et réellement. Et puis, elle est tortue, si j'ose dire. C'est quelqu'un qui prend son temps. Son animal préféré, c'est la tortue. Oui. Oui. Et c'est vrai qu'elle est lente, elle ne se bouscule pas, elle prend tout son temps. Alors, de temps en temps, ça m'agace un peu. Tendance à être en retard, ou elle prend son temps. Enfin, c'est comme ça, ça fait partie d'une personnalité qui est une forte personnalité. Bernadette avait oublié que président Chirac avait évoqué la veille à la télévision son fameux double signe astrologique, celui du taureau et de la tortue donc. C'est alors que président Chirac pénètre dans le living room et aperçoit les images de la veille chez Drucker. Là, immédiatement, en se revoyant, il s'interroge. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui ? Je suis amoureux de ma... De son côté, Bernadette Chirac, elle aussi, voudrait bien savoir ce que cache ce comportement tout à fait anormal de son époux. C'est alors qu'avant d'aller se coucher, elle zappe sur les chaînes du câble quand, tout à coup, Bernadette tombe sur les horoscopes de la semaine. « Tiens, se dit-elle, je vais attendre ce qu'on prédit pour les Sagittaires, le signe astrologique de président Chirac. » Abordons à présent notre fier Sagittaire, pro-chevalier en quête de philosophie et de spiritualité, plus physique que métaphysique, plus spiritueux que spirituel, c'est en réalité un cabotin prétentieux qui va d'aventure en aventure, tout aussi minables les unes que les autres. Grand manieur d'idées, il sait trouver ses mots, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Seulement Dieu, c'est lui, il se prend pour un libérateur, un initié venu purifier le monde. Côté cœur, eh bien c'est le champion des relations extra-conjugales. Il ne résiste à aucune tentation. Eh ben voilà, Bernadette en était persuadée. Le grand numéro de charme de président Chirac à son égard hier chez Drucker n'était en réalité qu'une ruse pour éloigner les suspicions. Immédiatement, à 23h15 précisément, Bernadette décide alors d'appeler son astrologue particulière pour tenter d'en savoir plus sur l'avenir de Chirac. L'astrologue en question ne bronche pas et au téléphone révèle à Bernadette ce qu'elle peut prédire pour Chirac. Chirac a un très bon transit planétaire en automne prochain, avec une promotion entre guillemets possible. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais enfin, je parle astrologiquement. Par contre, au moment des élections, c'est assez. Il y a des tiraillements dans la popularité, mais enfin, j'ai l'impression que la cote d'amour est protégée quand même, parce qu'il y a Vénus trigone au milieu du ciel. Je pense que la rentrée sera difficile, et puis ensuite, ça s'arrange, parce que la fin de l'année est vraiment très très bonne pour lui. Alors là, Bernadette n'en revient pas. Elle se dit qu'en réalité, Chirac va lui refaire le coup de se représenter à l'élection présidentielle, alors qu'il lui a promis le contraire. De toute façon, elle l'a bien prévenu. Désormais, c'est moi ou la France. Cela dit, l'astrologue en question lui a également révélé qu'une ancienne passion sentimentale allait renaître chez Bernadette. « Très bien », se dit-elle. Et furieuse après son époux, Bernadette Chirac, pour se venger, décide alors, avant de se coucher, de laisser un message sur le téléphone portable de Patrick de Carolis. « Patrick, mon chéri, irrésistiblement mes pensées reviennent vers toi. Ici, l'été est bien fini et je repense à nous. À nos vacances. » À notre été, c'était merveilleux. Je suis seule, la pluie frappe mes carreaux et je nous revois. On nageait dans les vagues et tes bras me serraient dans l'eau. Je n'oublierai jamais, tu sais. Et aujourd'hui, mes souvenirs sont plus présents que jamais. Patrick, mon chéri, je t'aime, je t'aime. Ah, ce Patrick de Carolis, quel gros vénard. Mais bon, le lendemain matin, ce qu'ignorait totalement Bernadette, c'est que président Chirac lui aussi avait pris rendez-vous chez une astrologue. C'est ainsi que dans la plus grande discrétion, à 8h30 mardi matin, président Chirac le Sagittaire se pointe donc rue Copernic chez madame Evelyne Dulac, astrologue chaudement recommandée par Villepin et Debré. Après avoir tracé son thème astral, madame Dulac commence à évoquer l'avenir de président Chirac. Mais il l'interrompt très vite car pour lui, une seule question l'obsède. L'avenir est-il un an passé? Je vous demande ce que vous en pensez. Verrai-je un jour le mal à l'Élysée? La France est-elle en train de s'enliser? L'avenir est-il un an passé? C'est alors que l'astrologue, madame Dulac, lui révèle que selon elle, et selon les signes du zodiaque bien sûr, elle connaît le futur président de la République. Elle lui murmure le nom à l'oreille, et quand il entend de qui il s'agit, président Chirac est consterné. Il décide d'écourter Fissa à cette séance d'astrologie et retourne à l'Élysée où l'attendent impatients Villepin et Debré. Alors, salut, raconte-nous ce qui est arrivé, comment ça s'est passé pendant qu'on t'attendait là. Alors, tu ne dis rien, pourtant tu pourrais bien penser à tes copains. Parler du rendez-vous, et c'est voilà, ça. C'est tout ce qu'on veut, qu'elle m'avait donné. Président Chirac hésite réellement à révéler à Villepin et Debré ce qu'il vient d'apprendre par l'astrologue de la rue Copernic. Du coup, il préfère inventer n'importe quoi. Alors, j'ai un message pour vous de la part de la Dame du Lac. Ah mais vous l'avez vu finalement ? Non, taisez-vous, parce que là ça... Chut. La Dame du Lac me charge de vous dire que vous, alors plutôt vous, visiblement, seriez susceptible d'accéder à une destinée hors du commun. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, c'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. Vous, en ce moment, c'est pas terrible. La gloire, la légende, les quêtes, tout ça, c'est pas terrible. Ah non, mais ne réfléchissez pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Voilà. Eh bien, soyez patient, ça va aller mieux. Et quand ? Pas d'informations précises à ce sujet. À mon avis, c'est pas pour après-demain. En disant cela, président Chirac s'aperçoit très vite que Villepin, le scorpion, se met alors à penser qu'il pourrait bien être le prochain locataire de l'Élysée. Préférant éviter toute catastrophe gouvernementale, président Chirac prend alors la décision de leur annoncer que l'astrologue lui a révélé le nom du prochain président de la République. Les deux lieutenants sont interloqués et veulent absolument savoir de qui il s'agit. Ils balancent des noms pêle-mêle, mais président Chirac leur dit « Franchement les mecs, réfléchissez bien. » Qui respecte la France d'en bas comme celle d'en haut? Nicolas Hulot. Qui respecte les animaux et même les mulots? Nicolas Hulot. Le sort du monde entier passe avant ces trucs perso. Nicolas Hulot. Parmi nos grands hommes, qui a le cœur le plus gros? Nicolas Hulot. Franchement, en politique, l'astrologie, c'est consternant. Mais bon, de son côté, peu avant midi, Patrick de Carolis, lui, a tenté d'échapper à l'horoscope de Bernadette la Tortue. À son tour, il lui a donc laissé un message sur son portable. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se dit. N'ayant pas tout à fait saisi la subtilité du message de Patrick, Bernadette, folle de joie, a donc sauté dans le premier métro direction France 2, depuis elle a disparu. Je suis partie bien à l'heure, j'ai pris le train en direction du cœur. Pas vu le train qui mène à grande vitesse. C'est ce que chante Zazie dans le métro sur son dernier album intitulé Totem. Ça déraille, c'est aussi ce que tu penses quand ton horoscope t'annonce que tu vas rencontrer le grand amour alors que tu viens de te marier. Ton astrologue, il déraille, c'est vraiment le dernier des camps. Alors, pour poursuivre notre consultation des horoscopes et des thèmes astro, il est temps maintenant à 11h45 et toujours en direct du Morgin Palace de retrouver nos deux héros loufoques, ascendant foutraque, les lumières zodiacales que sont Monique et Jean-Claude. Il faut savoir que le week-end dernier, Monique et Jean-Claude ont invité Laurence, une très bonne amie de Monique, qui souhaitait leur présenter Brian, son nouvel amoureux. Laurence et Brian forment un très beau couple et Monique, un peu fleur bleue, leur demande tout de suite comment ils se sont rencontrés. Laurence explique alors que ce fut le coup de foudre. Un seul regard nous a suffi. Mon horoscope me l'avait prédit. Quand je l'ai vu, j'ai succédé à lui. Elle a deviné son signe. Ainsi, Laurence et Brian ont l'air passionnés par l'astrologie. Monique est cartésienne, mais se dit pourquoi pas Après tout, le principal, c'est qu'il soit heureux. Surtout Laurence, qui vient de vivre 10 ans de célibat et qui est contente que ce soit terminé. Moi, je crois beaucoup au cycle. Et tu sais, 10 ans, on dit que c'est un cycle. Hein. Ah bon ? Moi, j'avais entendu dire que c'était 7. Oui, c'est 7, mais... Tu sais que 7 et 3, 10, et que 3 ans, c'est un cycle. Hein. Et il y a plusieurs cycles, de toute façon. La conversation porte donc sur l'astrologie. Monique est très sceptique car pour elle, il ne s'agit que d'obscurantisme. Alors Brian essaye de montrer à Monique et à Jean-Claude à quel point l'astrologie peut être intéressante. Le soleil gouverne mon signe, mais Vénus est mon étoile. Les astrologues disent la seconde planète gouvernante, ou encore l'ascendant. Ah, je ne te croyais pas si calé, si superstitieux. Mes chers amis, ne plaisantez pas. L'astrologie est la science la plus ancienne et la plus exacte de toutes. Je dis bien toutes. Et profondément, je la révère. Jean-Claude, toujours un peu orgueilleux, veut lui aussi montrer qu'il s'y connaît en astrologie. Alors il se lance dans une analyse de la symbolique des constellations zodiacales. Les chevaliers du zodiaque contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Monique et sa copine Laurence explosent de rire devant l'inculture zodiacale de Jean-Claude. Mais pour Brian, qui est féru d'astrologie, c'est grave de ne pas être au courant de cette science. Et Brian, il met en garde Jean-Claude. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Alors, il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois, c'est un exemple, je suis aware. Et ça, pourquoi ? Il y a des gens qui disent, tiens, c'est un mec qui est... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend. Alors, je suis aware, je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Monique se retient d'exploser de rire afin de ne pas vexer ses invités, Laurence et Brian. Jean-Claude, lui, n'arrive pas à dissimuler son incompréhension. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai pas compris ce que t'as dit. Qu'est-ce que tu dis ? Je comprends pas ce que tu dis. Si j'ai bien compris, personne ne comprend ce qu'il dit. En effet, Jean-Claude a du mal à comprendre l'astrologie et Monique, quant à elle, avoue qu'elle trouve ses superstitions un tantinet ridicule. Mais étonnamment, Jean-Claude part à la défense de Brian. L'astrologie, ce n'est pas que des foutaises, merde. Y'a pas de honte, y'a pas de honte. Y'a pas de honte à aimer ça. Y'a pas de honte. Monique est très surprise. Elle ne pensait pas que Jean-Claude puisse s'intéresser à l'astrologie. C'est étrange. Et puis, vers 23h30, Laurence et Brian s'apprêtent à repartir. Monique est un peu intriguée. Il n'est pas tard. Elle pensait qu'il resterait un peu plus longtemps. Peut-être les a-t-elle vexés en critiquant l'astrologie. Mais non, qu'elle se rassure. Laurence lui explique la raison de son départ. Ce soir, les astres sont favorables. C'est sa première nuit d'amour avec Brian, son nouvel amoureux. En plus, il est taureau, alors forcément... Je voudrais la connaître, savoir comment elle est. Est-elle ou non bien faite ? Est-elle jolie ? Je voudrais... Où je voudrais la voir, longtemps la regarder, connaître son histoire et son décor et son passé. Monique comprend très bien les raisons invoquées par Laurence. Les invités repartent et Monique et Jean-Claude, après avoir débarrassé la table, sont prêts à aller se coucher. Mais Jean-Claude, lui, cette conversation sur l'astrologie, ça lui fait tout de même se poser des questions. Sous quelle étoile suis-je né ? J'en suis encore à me le demander. Je chercherai peut-être encore lorsque sera l'heure de ma mort. Alors, pour savoir sous quelle étoile il est né, Jean-Claude allume son ordinateur et va surfer sur Internet. Au gré des pages affichées sur l'écran de son ordinateur, Jean-Claude découvre peu à peu le monde fascinant et inquiétant de l'astrologie. Jean-Claude tape comme mots-clés Zodiac, Thème Astral, Pamela Anderson, Didier Derlich, mais aussi Nostradamus. Jetons un œil sur ce Michel de Notre-Dame, connu sous le nom latin Nostradamus. C'était un médecin français de renom dont les prédictions sur le futur mystifient les chercheurs depuis plus de 400 ans. Si ses prédictions sur le passé sont exactes, alors ses prédictions pour l'avenir pourrait certainement nous atteindre tous. Jean-Claude, il est fasciné par ce qu'il apprend sur le monde inquiétant de l'astrologie. Mais il fait nuit, il est tard et Jean-Claude, les prophéties de Nostradamus, ça le rend très anxieux. Du coup, il réveille Monique car il a la trouille pépère. Monique explique alors à Jean-Claude qu'il ne faut pas faire preuve d'obscurantisme. S'il n'a pas compris ce que dit Nostradamus, c'est sans doute qu'il n'y a rien à y comprendre. Jean-Claude a du mal avec l'astrologie, mais semble tout de même passionné par les arts divinatoires. C'est ainsi que Monique lui propose plutôt d'essayer un autre jeu. Maligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses ? Ce que j'en pense, quelle importance ? C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche. Maligne de chance, j'aime la caresse de mes mains. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance, c'est une fleur dans mon jardin. Et voilà comment Jean-Claude, pour une ligne de hanche, a fait sortir l'astrologie de ses préoccupations cette nuit. De toute façon, que peut-il attendre des horoscopes ? Franchement, lui, il l'a trouvé, le grand amour. Fin de l'histoire. Jean-Claude, il ne cherchera plus à connaître son avenir. Ce qu'il veut ce soir avec Monique, c'est aller au clair de lune au gré de la fortune. J'allais au clair de lune, au gré de la fortune, porté par tous les vents de l'univers. Comme un lampion de fête, au-dessus de ma tête, j'ai vu danser un point de lumière. Oh, oh, oh, ma bonne étoile, dans une petite étincelle accrochée au ciel, j'ai vu un feu d'artifice grand comme un soleil. Comme on chante, tu marches comme on danse, et tu me portes chance à chaque instant. Et me voilà roi mage, au début d'un voyage, qui ne finira qu'à la fin des temps. Oh, oh, oh, ma bonne étoile, je dors à la belle étoile au cœur de l'hiver, et c'est toi qui me réchauffe, c'est toi qui m'éclaire. Bonne étoile, c'est celle qu'invoquait en 1969 le scorpion Joe Dassin. Cette semaine, c'est aussi cette étoile qu'aurait aimé invoquer Alain Duhamel, qui vient de se faire lourder de l'antenne pour avoir soutenu discrètement François Bayrou. Cela dit, les astres sont versatiles, parce qu'on a tous en tête d'autres noms de journalistes stars qui ne cachent guère leurs préférences politiques, non ? Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage astral parmi les signes du zodiaque. Des prophéties à la con de Paco Rabanne, aux inepties du prophète Jean-Claude, du Verseau ascendant Gémeaux à la tortue ascendant taureau et de l'effet Barnum à l'horoscope à la gomme, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peut être l'astrologie. Alors, c'est quoi exactement l'astrologie ? Eh bien, pour certains, c'est l'étude complexe des astres qui expliquerait en partie les comportements humains. Pour d'autres, c'est une superstition assez sympathique, voire grotesque. L'astrologie, c'est surtout pour des millions d'entre nous la découverte de l'horoscope quotidien qui tracasse notre existence durant à peu près 8 secondes, le temps de la lecture. Par ailleurs, l'astrologie, ce sont 12 signes du zodiaque, 12 maisons, des tas de planètes et quelques astéroïdes qui passent leur temps à se rencontrer. Encore que... Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici pas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend, papa dit qu'il a vu sa nuit, papa dit qu'il a vu sa nuit. C'était l'astrologue Charles Trenet, exaspéré que ces deux astres ne se rencontrent jamais. Voilà, fin du 66e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi l'astrologie, revue et corrigée par la bande de furieux du Mange un Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure, total foutraque et archi loufoque. Panique au Mange un Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mautuy, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci aussi beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Dimitri Gronoff et d'Éric Mainviel, merci aussi beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora. Merci aussi à Anne de la Lande, notre stagiaire. Pour les Scud et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère, grand amateur du Zodiac, pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Penchin Palace possède un site sur internet, sur franceinter.com, où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter, après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve donc dimanche prochain à 11h, mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Je suis placé sous le double signe zodiacal du lion et du fox à poil dur. Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Ah!